une histoire particulière. Souvenez-vous de notre collection de lieux. Une fois par mois, je vous convie à la visite d'un lieu. Des endroits, clos ou ouverts, dont nous n'avons pas forcément connaissance, que nous n'avons pas forcément la possibilité ou l'envie ou la curiosité d'aller voir. Des lieux rares, méconnus, dans tous les cas, originaux, particuliers. Ces lieux ont parfois aidé les hommes, comme le phare de Thévenec et ses gardiens, comme le collège Sévenol, qui a offert à de nombreux jeunes un apprentissage universel révolutionnaire. Mais ce sont aussi des lieux chargés d'histoire, comme celle du tunnel 57 à Berlin, qui permit l'évasion de 57 personnes en 1964. Aujourd'hui, Johanna Bedeau et Angélique Thibault vous emmènent dans une unité de vie familiale, un lieu de liberté où l'on oublie pour 24, 48 ou 72 heures que l'on est en prison. Le journal Le Monde révèle cet après-midi que le garde des Sceaux, Elisabeth Guigou, a sous le coude un projet qui risque de faire beaucoup parler de lui. Elle veut créer dans les prisons des unités de visite familiale, de petits appartements où les détenus pourraient recevoir leurs femmes et leurs enfants, avec surtout une chambre où les prisonniers pourront avoir des relations sexuelles. Et ça fait longtemps qu'on en parle, mais aucun ministre de la Justice n'était allé jusque-là. Alors il y a un terme que vous employez, unité de vie familiale, que je vais traduire, même si vous n'aimez pas l'expression, chambre d'amour, qui fonctionne à titre expérimental dans certaines prisons. Elisabeth Guigou répond à Yvan Amar, France 2, 1999. Cette expérience à d'autres prisons. Pourquoi je préfère dire vie familiale? Parce que c'est de ça dont il s'agit. Pour les détenus condamnés à des longues peines, leur permettre de garder, et qui ne bénéficient pas d'autorisation de sortie, ces deux conditions, leur permettre de garder le contact avec leur famille. C'est-à-dire non seulement avec leur conjoint, leur compagne, mais aussi avec leurs enfants, mais aussi avec leurs parents, mais aussi avec leurs amis proches, pour que ce lien avec la société qui commence, eh bien, il ne soit pas rompu, et pour permettre une meilleure réinsertion à la sortie. Ouais. Ici, on ne vit pas, on survit. Et j'ai envie de vivre. Pouvoir... Mon rêve, c'est de pouvoir sortir, m'asseoir sur un banc. Regardez les gens passer. Je faisais pas quand j'avais ma liberté. Je prenais pas le temps de vivre. Et là, la chose, je me dis que la première fois que je vais sortir, je vais m'asseoir sur un banc et regarder les gens vivre. Derrière ces vieux murs, dans l'enceinte même de la prison, trois appartements flambant neufs. Il s'agit des premières unités de vie familiale créées en France. 50 mètres carrés chacune, entièrement équipées. Les détenues femmes pourront y accueillir proches, enfants ou conjoints. Les unités de vie familiale. Johanna Bedeau, Angélique Thibault. Là, quand j'arrive avec les draps, je les lave, je les sèche au sèche-linge. Après, je repasse et je stocke là. Après, je vous montre où je les range. Vous repassez même les serviettes? Oui, tout. Quand c'est un pauvre passé, pour ne pas que... Oh. Ça reste présentable, quoi. Voilà. Après, je les range ici par couleur et par taille. Là, on va dire c'est un rouge, même si la couleur ne correspond pas. Là, un jaune, c'est en fait jaune, ça correspond à une seule personne, et rouge à deux personnes, par exemple un couple. Et dans ces placards, qu'est-ce que c'est? Là, c'est des oreillers. Et là, qu'est-ce que c'est là-haut? Là, c'est des housses de qui? Il y a des œufs qui roulent. J'espère qu'il n'y a pas de casse. Là, il y a eu un bol d'œuf qui a été un petit peu martyrisé. Ah bah non, miracle, il n'y a aucun œuf de cassé. La boîte est complètement déchiquetée, mais les œufs sont intacts. Consommer. C'est bon. Ah, c'est parfait. Ça, c'est la commande pour Monsieur Gomez et sa famille demain. Donc là, c'est seulement pour Monsieur Gomez. Ouais. Ben, c'est bon. Nadine Pic, est-ce que vous vous souvenez du premier UVF, de la première famille qui pénètre dans l'établissement? Oui. Je m'en souviens très bien et je pense que tout le groupe s'en souvient. Bon, on les a accueillis. C'était une maman avec sa petite fille, très angoissée à l'idée d'être enfermée. Et la visite durait que 6 heures, hein, puisqu'il y a plusieurs étapes. 6, 24, 48 heures et 72 heures une fois par an. Enfin, à l'époque, c'était comme ça. Et on a également accompagné la personne détenue, très angoissée. Ce monsieur, qui était là pour une longue peine, se retrouvait donc dans un appartement avec des fenêtres. Il n'avait plus du tout le réflexe d'ouvrir la fenêtre. Oh, mais viens, frère ! Putain, putain. Je m'excuse, il est gentil, là, il est intelligent comme tout, mais ça a bras cassé. Mais fatigant, fatigant, fatigant même. Allez, allez, allez, pas que ça à faire, moi. L'administration pénitentiaire décide de lancer cette idée d'implantation des UVF sur trois établissements. La maison centrale des femmes de Rennes, la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, André Page, et la maison centrale de Poissy. Idée intéressante, la direction de l'administration pénitentiaire à ce moment-là demande aux chefs d'établissement s'ils sont d'accord de travailler sur ce sujet-là, avec des personnels et avec les représentants des organisations professionnelles pour partir en fait d'une feuille blanche. Donc le premier réflexe des personnels, c'est un réflexe de repli, en disant pas de ça de chez nous. L'administration pénitentiaire ne nous donne pas les moyens en personnel pour faire fonctionner les établissements, eh bien, elle voudrait mettre en place des parloirs sexuels, comme ça, à la va-vite. Ils ne veulent plus admettre la discipline. Non, on ne veut pas, machin, veulent... et s'il y a ceci, et s'il y a cela, réclamer le parloir sexuel. Sans concertation, sans rien, ce n'est pas possible. La crainte de l'évasion, la crainte de la prise d'otage, de s'il prend en otage sa femme, son machin. Au début, étaient plutôt contre les UVF. Pourquoi ils Je me souviens de ça, oui. Je ne travaillais pas ici, mais j'étais en région parisienne et je me souviens de la ministre avait expliqué. Je me souviens encore. Je me souviens, elle avait dit les organisations professionnelles comprendront de même l'intérêt qu'il n'y a rien d'incongru à ce que. Je me souviens, ça m'avait. C'est vrai, est-ce que c'est normal? Après tout, normalement, une peine suppose... ça fait partie de la peine d'être écarté de... Mais c'est pas compatible avec les... Oui, allô? Ah, ça y est, arrivé? Ok, ben, j'arrive, merci. Pour les personnels? Ben, je suis à côté, je suis pas loin. C'était inimaginable. Derrière le mur. Les premières réunions sur annonçant le projet de mise en œuvre des UVF... Enfin, il faut le courage politique d'Elisabeth Guigou pour dire je le fais. Pourquoi t'es où là? Ouais, bah j'arrive. Ok, merci. Je suis là dans une minute. Moi j'ai connu les parloirs ici auparavant. C'était très difficile parce que les détenus s'adonnaient à des rapports sexuels avec leur compagne. Ils étaient séparés avec des simples toiles. C'était très gênant. Hein. Et nous, on était obligés d'essayer. Et puis pour nous, c'est très délicat d'interrompre ce genre de pratique quand elle est en cours, en expliquant que les voisins, il y a des enfants qui courent partout. C'était vraiment. C'était le moment où après les mouvements de 72, les révoltes caractérisées avec les. Avec les détenus sur les toits, bien sûr. C'est à ce moment-là que la cocotte minute, elle explose. Et c'est aussi le moment où, à partir des années 80, on est dans les logiques banataires, où ça bouge. Et dans cette logique-là, l'ouverture de la prison sur l'extérieur, à partir des années 83-85, 81, le nouveau ministre, M. Valinter, prend deux décisions qui ont été très visibles au niveau des prisons. C'est premièrement, il fait rentrer les télévisions dans les cellules. Donc ça a été un barouf total. Je vous rappelle quand même que les syndicats de personnel ne voulaient pas de ça. Que d'ailleurs, si maintenant on retirait les télévisions dans les cellules, les surveillants se souviendraient de ce qu'ils faisaient avant quand il n'y avait pas les télévisions et que les détenus étaient derrière les portes, hurlaient, enfin, parce que le soir était toujours un moment très difficile. Bon. Et on va supprimer les séparations dans les parloirs. Parce qu'on a oublié, mais dans les parloirs, il y avait des éléments de séparation en haut et en bas. On ne pouvait pas se toucher dans un parloir. On enlève les parloirs, ça veut dire aussi qu'on a une proximité. Donc les gens, dans le parloir, on va être simple, ils se touchent. Donc on a de plus en plus d'incidents dans les parloirs parce que des couples se touchent. Et donc les surveillants remontent ça, ça crée des incidents, etc. Il y avait une chef de projet, Martine Birling. Ensuite, on était les trois directeurs d'établissements pénitentiaires, les trois directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Et il y avait quelques chefs de bureau qui pouvaient être concernés. Sylvie Mano, directrice du centre pénitentiaire de Nantes. Donc on était au final pas très nombreux et on s'est vus de façon très régulière. Et on a discuté la philosophie de ce projet-là. Et je crois que le fait d'avoir poussé très loin et de s'être autorisé à penser tous les types de situations, la personne détenue qui violente son gamin, la personne détenue qui violente son conjoint, le suicide à l'intérieur de l'UVF, enfin, tout ce... Voilà, on s'est tout autorisé, et à chaque fois, ça nous a permis de reposer, de restructurer, et de reposer les bases et la philosophie du dispositif. Donc je suis à l'époque chef de service socio-éducatif, hein, c'était le terme employé, et nous, on officie, j'allais dire, de façon que je qualifierais presque de clandestine. Ça a quand même une dimension un peu révolutionnaire quand même dans l'ambiance, mais en fait révolutionnaire avec une hiérarchie qui est tout à fait partie prenante, y compris la direction pour travailler sur le sujet. Et puis finalement, on arrive à la, on rend notre rapport à la sous-direction au directeur. Et après ça, il va y avoir officiellement un groupe de travail qui est mis en place. Là, je parle d'un groupe de travail 95 et la première ouverture, c'est 2003. Hein? 2003 à Rennes, 2004 à Saint-Martin-d'Ré et 2005 à Poissy. Donc on a traversé plusieurs gouvernements, plusieurs ministres, plusieurs directeurs, continué sur la même ligne. Et donc il faut attendre 8 ans. Le lieu, il a été créé de toutes pièces. Donc le lieu, les trois unités de vie familiale qui sont donc trois appartements type F2, étaient tout neufs. Donc il a fallu concevoir l'intérieur et c'est là où toute l'équipe a travaillé. Certains membres du personnel étaient plus particulièrement chargés de l'achat du mobilier, d'autres étaient plutôt particulièrement chargés de la décoration intérieure de l'appartement, des appartements, etc., etc. L'idée, c'était de faire en sorte qu'on arrive à y faire un lieu de cocooning, un vrai lieu de vie, bien agencé, bien décoré. Et c'est vrai qu'on a pris le parti d'y installer du mobilier de qualité, joli, pour que les personnes qui y allent se retrouvent comme dans un appartement à l'extérieur. Au départ, on était parti sur un projet où il y avait un salon, une chambre, une cuisine, une salle de bain. On s'est fait critiquer aussi, hein, parce que voilà, c'était plus beau que certains appartements d'étudiants ou chambres d'étudiants. Et puis on a dit non. On a dit c'est pas possible. On a affaire à un public qui a quand même besoin de repères forts en matière familiale. C'est-à-dire de se dire qu'on a quand même un public qui a connu des situations soit d'inceste, soit de violence sexuelle ou de violence physique liée à une forme de promiscuité de vie. Et donc, ce qu'on souhaitait, c'était pas recréer cette promiscuité de vie. C'est-à-dire vraiment dire, ben là, il y a une chambre pour les parents et il y a une chambre pour les enfants. Et de dire, finalement, aussi aux parents, ben voilà. Voilà, l'enfant, il dort pas dans le clic-clac avec papa et maman ou dans le même lit que papa et maman. Et ça, c'est venu du groupe. Le bâtiment de détention à Poissy est tout au bout des cours de promenade, alors que les unités de vie familiale, vous passez la porte de sortie, vous longez un mur et vous vous retrouvez dans un espace dédié aux unités de vie familiale. Vous êtes un de ceux qui a le plus grand nombre de clés. Effectivement, vous êtes encore au sein de la prison, mais vous n'êtes plus dans la détention. Proprement parlé, vous êtes dans un autre espace, vous rentrez dans un autre espace, un autre univers. Mais on ferme quand même la porte et il y a des grillages au-dessus de la cour, bien évidemment. Mais il y a quand même une sensation de liberté à l'intérieur de l'appartement, puisqu'il y a des portes qui s'ouvrent sur des petits jardinets où le détenu peut aller avec sa famille, ses enfants. On y avait mis d'ailleurs l'été des barbecues, des parasols. On avait même eu l'idée, les surveillants avaient eu l'idée de mettre des petites piscines pour les enfants, avec de l'eau, etc. C'était une vraie aventure humaine. C'est ouvert, hein. C'est ouvert. C'est ouvert. Là, quand j'arrive dans les UF, je rajoute de liquide vaisselle, je rajoute de papier hygiénique. Sinon, les autres choses, les coursiers qui le font. C'est les détenus qui achètent tout le reste, à part les produits de l'entretien. On fait aussi aller un état des lieux, comme quand on va louer une maison ou un gîte. Voilà, il y avait l'état des lieux fait avec la personne détenue, nombre de bols, nombre de... Hein. On voulait vraiment que ce soit quelque chose voilà, qui soit comme à l'extérieur. Vraiment, on était dans une responsabilisation de la personne détenue et de la famille aussi, hein, par rapport au lieu. Hein. On fait attention au lieu. Et ça... Là, pas de soucis, pas de problème. De toute façon, si vous faites grandir les gens, ils grandissent. Si vous ne les faites pas grandir, ben voilà, ils restent où ils sont. Là, c'est le petit jardin. Vous y allez souvent dehors, vous, pour garder des fenêtres? En fait, ça, c'est une habitude que j'ai prise depuis que je suis détenu, quoi. Je regarde jamais par la fenêtre. Si je vous dis, ça fait plus d'un an que j'ai pas regardé par la fenêtre dans ma cellule. Mais même quand on vient, on sort jamais. Moi, presque, je sors jamais dans le jardin. À part quand mon petit demande de sortir dans le jardin, on sort. Mais sinon, de moi-même, dans le jardin. J'évite rien. Ça me rend nostalgique de voir que la vie n'est pas si loin que ça. Et que je suis coupé de tout ça. Recevoir en UVF, c'est préparer, donc c'est ce qu'on disait, les repas, c'est se retrouver en tête à tête pendant parfois 48 heures, 72 heures, ce qui n'est pas du tout évident. Hein. Et c'est pour ça qu'on a instauré une progressivité dans les UVF. C'est-à-dire qu'on est parti d'UVF de 6 heures à des UVF de 24 heures, de 48 heures, de 72 heures, parce qu'on ne passe pas de 1 ou 2 heures de parloir par mois à 24 heures ou 48 heures. Ça se prépare. C'est par exemple le salon avec la cuisine. Là, vous avez la chambre normalement des enfants. Après là, vous avez un autre chambre. Tout est replacé. Oui. C'est la salle de bain. Après, voilà. Après, la douche là. Et voilà. Ça change tout quand même d'avoir une douche pour les détenus, non? Bah oui. Demander l'autorisation pour aller à la douche tous les jours, c'est un peu... C'est délicat. Vous recevez qui, vous? Moi, c'est ma compagne et mon enfant. Mon fils de qui a 20 mois. Là. Des fois, il y a ma mère et mes soeurs aussi qui viennent. Elles dorment ici? Mm-hmm. Qu'est-ce que vous faites du coup avec le bébé et vous le mettez En général, moi, quand je suis là, les chambres, on ne regarde même pas. On ouvre le clic-clac, on reste tous dans le salon. On reste tous en famille dans le salon. Je rentre dans les chambres juste pour récupérer les draps. En fait, je ramène tout là-bas. Des fois, il faut savoir que dans la mémoire pénitentiaire, il y a plusieurs choses. Il y a premièrement, dans les années 60, c'est la guerre d'Algérie. Et je rappelle quand même, parce qu'on l'a un peu oublié, que les détenus politiques, c'est-à-dire liés à la guerre d'Algérie, les généraux et autres, ont été autorisés à faire venir leur famille dans leur cellule. Donc ça a été une amorce, pas très importante, mais n'empêche que ça existait dans les années 60. En 1985, il y a eu une première commission qui a été présidée par Myriam Ezrati, directrice de l'administration pénitentiaire, et qui a parlé de la création de structures pour accueillir les familles maintenant. C'est déjà évoqué dans le groupe de travail. 89, il y a un rapport qui est très important à la suite de conflits des personnels pénitentiaires. Gilbert Bonnemaison a été chargé d'écrire un rapport et a dit qu'il fallait réfléchir en concertation avec les personnels pénitentiaires au maintien dans les établissements longue peine des liens familiaux, des relations affectives et sexuelles des détenus. Ça, c'est un pavé dans la mare, parce que vous êtes dans les années 85, c'est quelque chose qui n'était pas quand même très fréquent. Et puis 92, il y a un groupe de travail sur les longues peines, qui est cette fois-ci géré par l'administration pénitentiaire, et qui dit qu'il faut compenser l'absence de permission de sortir et de sortie des détenus longue peine par l'instauration de visites familiales de longue durée. Alors, il faut quand même savoir que la notion du VF n'existait pratiquement pas, puisqu'il n'y a que deux pays où le système existait. Donc, le premier pays, c'est en Catalogne, en Espagne, donc, où il y avait ce qu'on appelait des chambres vis-à-vis, donc des chambres dites des chambres d'amour. En fait, ça n'a rien à voir avec les unités de visite familiale. C'est une chambre avec un bidet, un lavabo, et d'un côté, l'homme rentre, de l'autre côté, la femme rentre. Et là, on leur donne 2 heures. Et le deuxième pays qui vraiment a été pilote sur le sujet, c'est le Québec, qui a créé à l'entrée des établissements pénitentiaires des pavillons et des mobilhomes où les familles pouvaient venir un certain temps, passer une journée, 2 jours, auprès d'une personne incarcérée. Voilà. Je me souviens la première fois, moi, quand on s'est vus. Je suis arrivé au Maroc, je l'ai vue, elle était toute tremblante, elle ne savait pas où se mettre. Et je me suis dit, est-ce qu'on va se reprocher, quoi. On a commencé à s'apprécier un peu plus. Après, on s'est mis en couple. Et maintenant, on a un enfant. Et là, votre compagne, vous l'avez rencontré en prison. Et la première fois que vous avez vu votre enfant, du coup, naître, c'était dans un UVF ou c'était au parloir? Non, l'enfant est né à l'hôpital, mais la première fois que j'ai vu, c'était au parloir. C'était quelque chose d'assez émouvant, de voir un petit être tout fragile, qui tenait à peine dans mes mains. C'était quelque chose d'assez... Parce que là, c'était... pas la première fois que j'étais père, mais ça faisait comme si c'était la première fois. Et du coup, ça, les UVF, ça change quoi pour vous, les unités de vie familiale? Qu'est-ce que ça change? On peut voir son enfant grandir? Pas fraction, quoi. C'est pas... Un enfant, ça change, ça grandit vite. Un jour, il vient vous voir, il marche pas encore. Un mois après, il vient, il marche. On a l'impression de rater beaucoup de choses. Un peu bête de dire ça, mais il passe son temps à pousser les chaises. Il pousse ça dans tous les coins de l'UVF, quoi. Je fais les yeux avec lui, quoi. Tous les jours, je ramène le pain. C'est un rituel. Tous les jours, entre 11h30 et 12h30, je tape ici et je leur annonce le pain. Et ils me disent oui ou non pour ouvrir. C'est venu vraiment heurter les principes classiques de la surveillance. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, on a dit aux surveillants, vous faites plus de la surveillance en continu, ce qui est là, et vous allez faire de la surveillance en discontinu. Quand vous allez aller dans les UVF pour vérifier que tout va bien, eh bien, vous préviendrez la personne détenue et sa famille que vous allez passer. Pour que lui, sur un contrôle visuel, et puis... par un échange, se dit tout va bien. Mais complètement antinomique, mais complètement par rapport au mode classique de surveillance. Ça change de l'ambiance en détention, qui, les rapports ne sont pas du tout les mêmes avec des détenus, ils sont beaucoup plus tendus en détention. On est sans arrêt, on fait la police en gros, hein, en détention, hein, sans arrêt, on leur interdit de rentrer les uns chez les autres, on ferme les portes. C'est un régime porte fermée ici, donc ça a créé des détentions. Tout d'un coup, on est dans un lieu où, voilà, c'est. On traite différemment. Voilà, donc on a... C'est pas compliqué d'être surveillant sans surveillance? C'est un travail de surveillance. Vous avez remarqué que j'arrête pas d'ouvrir les portes, de vérifier. Le soir, je pars, on ferme les volets. Je n'ai pas intérêt à oublier de les fermer. C'est vous qui les fermez même quand il y a des familles dedans, oui, même dans alors le petit moi, jardin. Je laisse un tout petit jour. De façon, souvent il y a des fumeurs, ils ont besoin quand même d'évacuer. Ah oui, tu peux fermer si je joue à 17h30. La fermeture, c'est entre 17h30 et 18h. Donc de 17h30 au lendemain à 8h, ils sont bloqués. Regardez-vous. Et il y a des familles qui me disent, moi je prends jamais 72h parce que j'ai envie de respirer un peu. Je suis content de voir mon mari, mais... Je sais pas. Moi, je vais t'occuper des rideaux. J'avais fait faire les rideaux sur mesure. Et les surveillants, c'était les mobiliers. Non. Retisser le lien, retravailler le lien, c'est pas si simple que ça. Être au parloir avec une petite fille de 2 ans pendant 2 heures et être en unité de vie familiale avec une petite fille de 2 ans pendant 24 heures voire 48 heures, il y a une vraie maturité qui s'opère. Et l'enfant reconnaît son papa, le lien se crée. La personne détenue redevient homme, la personne détenue doit apprendre aussi à respecter sa compagne, ses souhaits, ses désirs, ses envies, ou ses non-désirs et non-envies. La compagne doit aussi retrouver son mari ou son compagnon tel qu'il est. Là, c'est on se retrouve face à face. C'est réapprendre à tisser un lien avec l'autre, à se montrer tel qu'on est aussi après tant d'années d'incarcération. C'est pas si simple que ça, parce que malheureusement, les premières visites se sont soldées par quelques divorces. Là, ça nous a un peu interpellés, mais ça fait partie, ça faisait partie à l'époque des conséquences. Donc, on a poussé très très loin. On permettait au papa de faire des cadeaux. Les surveillants allaient eux-mêmes acheter les cadeaux pour les enfants. On allait nous-mêmes acheter des cadeaux d'anniversaire pour les enfants. Marquer les fêtes de Noël, marquer les fêtes de Pâques, marquer, voilà, avec des petites attentions. L'idée était de leur faire comprendre que l'institution les respectait et que ce dispositif avait un sens pour la peine et devait permettre, l'idée c'était de faire sortir les personnes. Et donc, oui. Il y a aussi un espoir dans votre travail ? Bien sûr. D'accord. Mais il faut de l'espoir dans le travail. Surtout quand on est en établissement pour longue peine. Si on n'a pas d'espoir, et qu'on pense que les personnes qu'on garde et qu'on accompagne vont rester toute leur vie en prison, ça limite considérablement l'intérêt de notre métier. Hein. Oui, mais les unités de vie familiale ont permis à certains de retravailler le lien, de travailler autour de ça avec le SPIP, et de sortir. Toute une vie. Je suis rentré, j'avais 22 ans, j'ai pris 25 ans. Et aujourd'hui, j'en ai 30, j'ai déjà fait 8 ans. Je passe mon temps à me dire, ah, mon EVF, c'est dans quelques mois, c'est dans quelques jours. Dès que j'arrive, on passe notre temps à essayer de casser les années. Et ça permet de tenir. Voilà. C'est le seul moyen de ne pas perdre la tête. Parce qu'au bout des années, il y en a qui perdent la tête. Dalida ! Dalida ! Dalida ! C'est toi, Dalida ? C'est toi, Dalida ? C'était les unités de vie familiale avec Nadine Piquet, André Page, Sylvie Manot, Martine Bierling, Monsieur Davega et Monsieur Jean. Coordination Christine Bernard, mixage Cédric Châtelu, un documentaire de Johanna Bedeau et Angélique Thibault. La suite du documentaire sur l'unité de vie familiale, ce sera demain à 13h30. Pour le moment, à 14h, c'est Antoine Guillot et votre séance cinéma que nous retrouvons.